Je n'ai pas changé d'avis, c'est juste que je ne vois pas la sortie. Je n'ai pas changé d'avis, mais je ne vois pas la sortie. Je n'ai pas changé d'avis, je ne vois pas la sortie.